Putain, retire la mèche. Vas-y, accroche-moi. Vas-y, vas-y. Allume, allume, allume. Doucement, doucement, doucement, ça arrive. Ça s'allume, ça s'allume. Ah, ça, c'est va bon. Péter. Ouais, ça va péter. Le rap transpire, 9,2 degrés à son thermomètre. Hein? Juste élève, viens faire taire son maître. La rime, j'en ai fait une affaire personnelle. Week-end ou pleine semaine, les schlags en perte sommeil. C'est de la dynamite, moi je te dis l'ami. Quand je prends mon stylo B, c'est pour créer la zizanie. Usher, flèche et fesse, gros ma fille. C'est quand les dealers de cesse de chromatise. Dans nos gorges, la nitroglycérine. Même ton public devient hystérique quand on glisse nos rimes. C'est pour hors du commun, qui t'a dit qu'on sera tendre. Tu te souviendras de ce projet. Tout comme le 11 septembre, appelle le déminage. Avant que ça se termine mal, qu'on presse sur play. Dans une gare ou dans un terminal, faut que ça déménage. Rage interminable, on pète ton game. Sans respect, on est tout permis mal. Ça explose, on s'expose, on impose la dynamique. On ta dose, quand on pose, on arrose. On dynamique. Ça explose, on s'expose, on impose la dynamique. On ta dose, quand on pose, on arrose. Dans quelle la vie tout reste possible. On est venu fonce dès les portes, ouais. Avec une ceinture d'explosifs. Pas de lettres motifs, des textes nocifs, exportifs, devenu sordide, honnête sorti. On s'exporte fils, neuf de haute scène en orbite. Chroma, flèche et fesse, torpille. J'suis en mode barbu dans le cockpit. Dealer, j'fais tout péter tant qu'on m'aura pas vu dans le top 10. J'ai la main moite sur le détonateur. Lequel des hommes t'as voulu me dégommera le cœur. Ténor vocal, preneur d'otage. J'ai l'équipe, l'arsenal, l'artillerie. J'suis la terreur de vos caves. On est venu mettre son dessus dessous. Ça sent le rouge. Si je dis que ça sent le souffle, nous on s'en sort sans souci. J'ai un mic, la nitro du C4, Nachetan va checker. Nous on se retrouvera bien le C4, négro. Ça explose, on s'expose, on impose la dynamique. On ta dose, quand on pose, on arrose. On dynamique. Ça explose, on s'expose, on impose la dynamique. On ta dose, quand on pose, on arrose. C'est à mon tour de mettre le paquet, ils vont me voir au taquet. Grand prédateur avec la rage, je ne peux qu'attaquer. Je mords comme une panthère, dévore jusqu'aux artères. Leicester, prendre en place MC, faut pas que t'espères. Quoi, tu veux pas, je t'aime, mais t'es pas net. Un Renoir ne refuse jamais de prendre une cuisse dans un pocket. Détruis, poursuis, conduis le même circuit. Hors du commun, c'est le fruit de mon produit. C'est trop dynamique, courez vite car ça dynamite. Hustler chroma localisé par les satellites. It's so good, tant qu'on fait kiffer le hood. La vie des HLM, t'apprends à serrer les coudes. Ne pas rester les bras croisés. Moi, ce que je veux, c'est tout froisser. Toujours foncer, comme à lancer, tout défoncer. Dans le rap français, amateur de sensations fortes, tu seras surpris, servi. On déboîte même sur les sens interdits. Ça explose, on s'expose, on impose la dynamique. On ta dose, quand on pose, on arrose. On dynamique. Ça explose, on s'expose, on impose la dynamique. On ta dose, quand on pose, on arrose. C'est la dynamique. Eh, hey, Chroma, là les gens ils ont compris c'est qui a la dynamite, hein. Ah ouais, y'a plus personne debout. C'est la nitroglycérine, mec. Ça pète sec, c'est la dynamite.